Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire du film maudit de Dennis Hopper, The Last Movie, le bien nommé. Le 26 mars 2010, quelques mois avant sa mort, le cinéaste Dennis Hopper reçoit son étoile sur Hollywood Boulevard. Famélique, bientôt vaincu par le cancer, il tire sa révérence avec une féroce ironie. À 73 ans, le voici enfin honoré par une industrie qu'il a si longtemps détestée et qui lui a bien rendu. Avant d'entrer dans le rang, un pied dans la tombe, l'enfant terrible du cinéma américain fut un acteur précoce et révolté, photographe de talent, peintre et poète, réalisateur adulé d'Easy Rider, avant d'être banni pendant plus de 10 ans. Pourquoi ? Eh bien à cause de son deuxième long métrage, fiasco mythique, The Last Movie, sorti en 1971. C'était le début des années hippies, l'enlisement au Vietnam, la présidence Nixon et la naissance de la contre-culture américaine. Après le succès d'Easy Rider, coup d'envoi du nouvel Hollywood, Dennis Hopper veut aller plus loin, transgresser toute l'idée que l'on pouvait alors se faire du cinéma, jusqu'à en profiter sa mort. C'est le message de Last Movie comme un ultime chant du cygne. En réalité, c'est sa mort professionnelle qu'il signe. La décennie hippie s'achève pour lui avant même d'avoir commencé Dream is Over. Notre invitée, Anne-Marie Bidot, historienne, spécialiste du cinéma américain et auteure du livre intitulé « Hollywood ou le rêve américain » publié chez Armand Collin en 2012. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. ...1969, sorti en salle Dizzy Rider de Dennis Hopper. En ouverture, les premières notes de Born to be Wild, signées Steppenwolf, résonnent sur la cuirasse d'un chopper aux couleurs du drapeau américain. Peter Fonda, blouson de cuir, lunettes fumées, roule sur une liasse de dollars dans un tube qui glisse au fond du réservoir. Premier bruit de moteur, coup d'accélérateur, Dennis Hopper le rejoint avec sa bécane, son chapeau et sa moustache. La suite raconte leur traversée de highway et des bleds paumés, road movie halluciné de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Les cow-boys sont désormais des motards et les chevaux des Harley-Davidson. Avec son premier film, Dennis Hopper réinvente le western et entre dans la légende. Born to be Wild devient la bande-son d'une époque, Easy Rider, le film d'une génération, l'emblème bientôt de la contre-culture américaine. Et le succès est immense. Après le prix de la meilleure première œuvre au Festival de Cannes en 69, le film rapporte en quelques semaines d'exploitation plus de 20 millions de dollars, alors qu'il n'en a coûté que 340 000, 6 fois la mise. Un jackpot inespéré pour les distributeurs de la Columbia Pictures, qui, il faut bien l'avouer, ne comprennent pas grand-chose à ce film de la marginalité. Il faut dire que Easy Rider tranche de manière radicale avec toutes les normes hollywoodiennes de l'époque. Tourné en décor naturel, avec trois bouts de ficelle et beaucoup de marijuana, Easy Rider ressemble pour ses détracteurs à un film mal rasé, un road trip sous acide avec des motards hippies qui copulent dans les cimetières. Shocking! Dennis Hopper, lui, est le seul à ne pas s'étonner du phénomène. Sur un plan spirituel, dit-il, il se peut que nous soyons la génération la plus créative des 19 derniers siècles. Nous voulons faire des films intimes, personnels, honnêtes. Les studios, c'est du passé, ils n'ont plus qu'à devenir de simples sociétés de distribution pour producteurs indépendants. Voilà, c'est dit. Pour l'heure, Hopper est propulsé au rang de star et tout le monde ne parle plus désormais que de cet Olibrius défoncé du matin au soir, la plus grande icône de la jeunesse depuis la mort de son copain James Dean. C'est pas de vous qu'ils ont peur, c'est de ce que tout ça représente pour eux. Tu sais, ce qu'on représente pour eux, c'est des types qui ont besoin d'aller chez le coiffeur. Oh non. Non, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté? Il n'y a que ça qui compte. Ah mais oui, c'est vrai, ça, je suis bien de ton avis, il n'y a que ça qui compte. Mais en parler et être libre, c'est deux choses différentes. N'essaie jamais de leur apprendre qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils vont immédiatement se mettre à assassiner pour te prouver seulement qu'ils savent ce que c'est. Alors, ils te font de grands discours, et de grands discours dans lesquels ils te parleront de la liberté individuelle. Seulement, s'ils rencontrent un type qui est vraiment libre, ça leur fout la trouille. Derrière le succès d'Easy Rider, il y a bien sûr Dennis Hopper, ses acteurs, Peter Fonda et Jack Nicholson, mais surtout la PBS, une société de production indépendante cofondée par Bert Schneider et Bob Rafelson, qui semble détenir la formule magique du moment. Les deux producteurs deviennent en un rien de temps les chefs de file d'une jeune génération de cinéastes que l'on appellera bientôt le nouvel Hollywood. Parmi eux, on retrouve Scorsese, Coppola ou Palma, qui rejettent les règles classiques, bouleversant la narration et qui s'affranchissent de la morale et réussissent le tour de force de séduire le public et les critiques. Oui, les deux. Une nouvelle vague à l'américaine, en quelque sorte. Le pionnier s'appelle donc Dennis Hopper. Il a 33 ans lorsque sort Easy Rider et il plane sur le toit d'Hollywood. What next? Demandent d'ailleurs les groupies et les grands patrons des studios. Hopper, lui, jubile. J'allais dans les écoles radicales, je lisais les journaux radicaux. Et la presse underground, comme la presse normale, réclamait un nouveau genre de film. Easy Rider leur avait ouvert tout un nouvel univers et ils en demandaient. Ce qu'ils cherchaient n'était peut-être pas ce que j'ai fait avec The Last Movie, mais dans mon esprit c'était ça. Alors je me suis dit que j'allais leur montrer un nouveau genre de film. Dopé par le succès, Hopper propose très rapidement à la PBS de produire son deuxième long-métrage, The Last Movie. Sur le papier, l'histoire est prometteuse. Une équipe de cinéma vient tourner un western dans un village péruvien perdu dans les Andes. À la fin du tournage, tous les Américains s'en vont, à l'exception de Kansas, cascadeur du Midwest, qui lui décide de rester avec une jeune prostituée locale dont il est amoureux. Or, les choses dégénèrent lorsque les villageois décident de tourner un remake western dans lequel ils viennent de jouer. Ils fabriquent du faux matériel technique, caméras, perches et projecteurs faits de bambou, mais les revolvers, eux, sont bien réels. Et tout finit dans un bain de sang. Voilà, qui dit mieux ? Un film sur le cinéma et ses simulacres, une critique radicale du colonialisme yankee et un coup de canif dans la mythologie américaine du Hopper pur jus. Et c'est bien ça le problème. Bob Rafelson, l'un des producteurs de la PBS, n'a pas oublié la jeunesse chaotique d'Easy Rider, les difficiles conditions de tournage, l'improvisation, la drogue et surtout le caractère imprévisible de Dennis, ses accès de colère, voire de démence. Bref, le producteur n'a pas trop envie de remettre le couvert. De surcroît, en plus de la réalisation, Hopper veut jouer le rôle principal de Last Movie. C'en est décidément trop pour la PBS, qui abandonne le projet. Mais l'acteur-réalisateur ne se démonte pas et entend profiter de son tout nouveau statut de star. Il frappe donc à la porte de tous les studios d'Hollywood, en commençant par Universal. À l'époque, Universal est dans le creux de la vague. Les derniers films du studio enchaînent les échecs, trop classiques et sans réel intérêt. Mais le succès inattendu d'Easy Rider, distribué par son concurrent Columbia, donne des idées à Universal. Son patron, Lew Wasserman, lui aussi désarçonné par cette nouvelle manière de faire des films, compte profiter de l'air du temps. En septembre 69, deux mois après la sortie du film Phénomène de Dennis Hopper, il crée en urgence une nouvelle unité de production calquée sur celle de la PBS. Le principe ? Produire librement des films pour moins d'un million de dollars, soit cinq fois moins que d'habitude. Un cinéma d'auteur à moindre coût, Universal veut y croire. Alors, il charge Ned Tannen de relever ce défi avec les finances du studio. C'est un jeune producteur dont Spielberg dira plus tard qu'il fut l'une des rares personnes d'Hollywood à dire ce qu'elle pense. D'ailleurs, il pense beaucoup, cet homme, et beaucoup de bien du nouveau projet de Dennis Hopper. The Last Movie. Il a quelques réticences, bien sûr, il connaît le caractère du bonhomme, mais il se laisse finalement convaincre par l'originalité du scénario coécrit avec Stewart Stern, le scénariste de La Fureur de Vivre. Dans le documentaire « Scene Missing » réalisé par Alex Cox en 2012, ce dernier raconte ses inoubliables séances de travail avec Hopper. And he was smoking pot all the time. Et il fumait des joints toute la journée. Moi, j'avais essayé une fois, mais ça me rendait hyper parano. Alors j'avais un masque et un tuba. Je me suis dit que je pouvais mettre le masque et le tuba, et de temps en temps, Dennis pouvait m'envoyer la fumée dans le tuba. Comme ça, je pouvais profiter de ce qui lui arrivait. C'est ce qu'on a fait. Il a arpenté la pièce derrière moi et de temps en temps, il venait faire... Et moi, je faisais... Et je me remettais à taper comme un dingue. C'était une sacrée collaboration. Ned Tanen est conquis et accepte de produire The Last Movie pour $850,000, un budget certes modeste, mais qui assure à Hopper le final cut. Pour interpréter le rôle principal, l'acteur-réalisateur perd 15 kilos, se rase la moustache, coupe ses cheveux longs et le voilà sous les traits de Kansas, cow-boy de série B, prêt à s'envoler pour le Pérou sur les lieux du tournage. En décembre 69, il arrive à Lima, suivi un mois plus tard par les acteurs et l'équipe technique du film. Tous rêvaient d'en être. The Last Movie est le film le plus attendu du moment. Et l'expérience annonce tripante. À l'époque, le Pérou est la capitale mondiale du trafic de cocaïne. Ce n'est pas pour déplaire à Hopper. Donc, un bon moment en perspective. Qui commence d'ailleurs dès le voyage en avion entre LA et Lima, comme le raconte le producteur délégué du film, Paul Lewis, dans le documentaire Scene Missing. Ils offraient de l'herbe aux hôtesses, ce qui a été un peu la goutte d'eau. Ils disaient fumer, fumer, mais pas comme une proposition, mais en insistant pour qu'elles participent. Elles ont dit aux pilotes que tout le monde fumait de la marijuana à bord de l'avion. Les pilotes ont contacté la base à Lima et la compagnie m'a appelé pour me dire que l'équipe allait être arrêtée. J'ai dit au directeur de la compagnie, on fait quoi? On n'a même pas commencé le tournage et l'équipe va être emprisonnée. Dès que l'avion a atterri, tout le monde s'est fait escorter vers un autre avion qui a décollé immédiatement pour Cusco, pour nous emmener sur les lieux du tournage. Une fois qu'on a passé Lima, on ne risquait plus rien. La folle équipée arrive finalement à bon port, à Chinchero, village perché en haut des Andes, dans la région de Cusco. On y retrouve là la crème de la scène contre-culture américaine de l'époque. Peter Fonda, le partenaire d'Easy Rider, Michelle Phillips des Mamas and the Papas, Jim Mitchum et le débutant Chris Christopherson. C'est donc parti pour 7 semaines de tournage hors norme. Le défi est d'abord technique. Chinchero est à plus de 3700 mètres d'altitude et 7 tonnes de matériel devront y être acheminées, comme des chevaux de cinéma par exemple, transportés par avion cargo. Là-haut, les conditions météo sont rudes, la vie éprouvante. L'équipe est également confrontée à l'hostilité des autorités péruviennes, membres d'une dictature militaire d'extrême gauche qui regarde d'un mauvais œil cette bande d'artistes dépravés occidentaux et qui s'en donne à cœur joie. Très vite, Chinchero devient un lupanar à ciel ouvert et les rapports avec les autochtones relèvent du choc des civilisations. Les Américains, en effet, sont traités de colons et de fascistes, tandis qu'Hopper est accusé, à tort, paraît-il, de dévergondage sur mineurs. Pendant plusieurs jours, il devra se cacher dans une villa de Cusco. Lorsque le tournage de The Last Movie commence enfin, le réalisateur décide d'abandonner complètement le scénario coécrit avec Stewart Stern. Il hurle à qui veut l'entendre qu'il est comme Fellini, pas besoin de notes. Non, son film, il l'a dans la tête. Pour le reste, eh bien, il fait confiance à son génie. D'aucuns diront que depuis le succès d'Easy Rider, son ego s'est hypertrophié. Les acteurs sont donc libres d'improviser avec ou sans acide. Enfin, plutôt avec. Hopper parle lui d'un geste artistique à la manière des grands peintres. J'ai eu le sentiment d'utiliser la pellicule comme un expressionniste abstrait utilise la peinture. La peinture pour la peinture et le cinéma pour le cinéma, plutôt que d'essayer de masquer la supercherie, de basculer dans ce monde où il fallait avaler tout ce que l'écran des salles obscures vous projetait. J'ai voulu jouer avec cette notion qui permettait de s'évader de la réalité fictive pour dire « Je vous laisserai pas faire, ce n'est qu'un film ». Soudain, un personnage s'écriait « Pellicule cassée !» ou un clap ou un micro apparaissait dans le champ de la caméra. J'ai délibérément cherché à jouer avec la sensibilité des gens pour dire que ce qui se passe à l'écran n'est pas la réalité. La réalité existe dans la salle. Mais c'est une chose que le public n'apprécie pas vraiment. Trop de ménage, pas assez de cœur. And very little to this. Après sept semaines de ce régime artistique, l'équipe plie bagage, laissant derrière elle des Indiens quelque peu sonnés par les mœurs d'Hollywood. De retour aux États-Unis avec ses valises et son ego, Hopper annonce dans la foulée ses fiançailles avec l'actrice du film Michelle Phillips, songwriter des Mama and the Papas. Parfait, il divorce 8 jours plus tard. Michel raconte qu'Hopper l'a terrifiée, tirait des coups de feu dans la maison, persuadée qu'elle était une sorcière. La dernière fois qu'il lui a téléphoné pour la supplier de rester, eh bien sa seule réponse fut « As-tu déjà pensé au suicide ?» C'est que la nouvelle coluche d'Hollywood supporte mal la célébrité qui le rend nerveux, voire parano. En mars 70, conscient du malaise, il annonce à son producteur Ned Tanen et à Universal qu'il se retire pendant 3 mois à Taos, au Nouveau-Mexique, pour monter son film loin des ondes négatives du show business. Implanté dans une vallée déserte aux reflets écarlates, Taos semble être l'endroit idéal, en effet, pour créer en toute sérénité, comme l'explique le producteur Jeremy Thomas dans le documentaire « Dennis Hopper, le rebelle d'Hollywood ». Dans les années 1970, c'était un endroit beaucoup plus marginal. Depuis, c'est devenu très commercial, mais pas à l'époque. Dennis faisait partie des électrons libres de cette communauté d'artistes avec Mabel Dodge, Frida Kahlo et d'autres. Et quand il est arrivé là, il a un peu changé l'ambiance. Oui, Hopper change un peu l'ambiance à Taos. Car très vite, le ranch dans lequel il s'installe, lui, sa table de montage et ses quelques 48 heures de rush tournées au Pérou, devient le repère des artistes paumés du coin qui suivent leur nouvelle icône comme leur ombre. Le montage de The Last Movie, qui va durer plus d'un an, s'annonce d'ores et déjà plus rocambolesque encore que son tournage. Stay in your state, don't know God. Sensible, Fabrice Drouel. Qu'est-ce qui se passe avec The Last Movie? Il n'est pas accepté comme Easy Rider l'a été. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il ne m'est rien arrivé. Parce que vous savez, je dormais sur un matelas pendant que d'autres montaient Easy Rider. Et je peux encore dormir sur un matelas, j'ai des amis. Mais The Last Movie va être bien, et il sera accepté. Ce sera bien mieux qu'Easy Rider. Ce sera juste comme La Splendeur d'Amberson, le deuxième film d'Orson Welles. Il a fait de l'argent avec son premier film, Citizen Kane, mais pas avec son deuxième. L'archive que vous venez d'entendre et dans laquelle Dennis Hopper divague sur son art est extraite du documentaire The American Dream, tourné pendant la post-production de The Last Movie à Taos. En mars 70, les réalisateurs Laurent Schiller et Ellen Kit Carson décident d'accompagner le tourbillon Hopper au Nouveau-Mexique pour témoigner de son processus créatif. En résulte, un portrait intime de l'acteur-réalisateur, en prise avec ses démons, plongeant progressivement dans les dérives de la drogue et de la violence. Aux scènes de travail en salle de montage se succèdent des séances de tir à l'arme à feu en plein désert, par exemple, ponctuées d'happenings sexuels dans une baignoire, chronique d'une époque. Si le cinéaste passe visiblement plus de temps à jouer au gourou qu'à travailler, le montage de The Last Movie se poursuit malgré tout. Hopper a d'ailleurs acheté dans le centre de Taos un petit cinéma dans lequel il projette régulièrement ses rushs à tous les hippies du coin qui en redemandent. Pour eux, le film n'est jamais assez long et à chaque nouvelle projection, il s'allonge de 20 minutes. 8 mois plus tard, en octobre 70, Stewart Stern, le co-scénariste de The Last Movie, découvre ainsi un film interminable qui n'a plus grand-chose à voir avec le script, comme il le raconte dans le documentaire Scene Missing. When he summoned me down to Taos with his agent to see. Dennis m'a ordonné de venir à Taos avec son agent pour voir 9 ou 10 heures de son film, mais j'ai eu l'impression que ça durait 300 heures. Il semblait aller nulle part. C'était de belles images, mais ça n'allait nulle part. Les personnages avaient beau déblatérer, on n'en avait rien à foutre, parce qu'on avait perdu l'histoire centrale. Aïe, les Bonds d'Universal commencent à s'impatienter, car ils misent beaucoup sur ce deuxième long-métrage de Hopper, à même, espère-t-il, de relancer le studio en plein déclin. Mais Ned Tannen, le producteur délégué de The Last Movie, est inquiet. À chaque fois que les monteurs reviennent de Taos, il répète qu'il n'y a pas de séquence, non, rien à monter. Un film sans film, en quelque sorte. Face à l'éminence de la catastrophe, Alejandro Jodorowsky, le réalisateur du surréaliste El Topo, une nouvelle coqueluche de l'Underground, est dépêché sur place pour donner un coup de main à Hopper. En vain, Dennis, toujours en plein égotrip, ne veut recevoir de conseils de personne. D'ailleurs, son contrat stipule qu'il conserve coûte que coûte, quoi qu'il en soit, le final cut. À l'été 71, plus d'un an après le début du montage, The Last Movie est enfin terminé. Et une projection est organisée en haut de la grande tour d'Universal. Autour de Hopper, tout le monde est là, de Ned Tannen à Lew Wasserman, grand patron du studio. Les premières notes de flûte de Pan résonnent et le film s'ouvre sur l'arrivée d'une compagnie de cinéma américaine venue tourner l'histoire de Billy the Kid dans un village du Pérou. Le réalisateur de ce film dans le film est interprété par Samuel Fuller, jouant ici son propre rôle, cigare aux lèvres. I want it legitimate and different and better than it's ever been done. When I squeeze off a couple of shots at you, you take it, hit it and hit it hard. I want balls when you die. All right, let's roll them. All right. Action. 1h50 plus tard, lorsque les lumières se rallument dans la salle de projection d'Universal, malaise, silence de mort. Et l'on entend le projectionniste s'exclamer derrière sa cloison. Ce film porte bien son nom parce que c'est sûrement le dernier film que ces mecs feront. Malheureusement, tout le monde est bien du même avis. Même le producteur Ned Tanen, qui a voulu croire pourtant et jusqu'au bout au génie d'Hopper. Pour lui, le film est un désastre. Et il dira plus tard qu'il n'y avait rien à garder, rien à sauver, rien non plus à faire pour l'améliorer. Bref, c'était sans appel et sans recours. Disons-le tout de suite, personne ne comprend rien au film qui se voudrait un simulacre baroque et visionnaire de la mort du cinéma. À l'inverse d'Easy Rider, qui conservait tout de même une ligne narrative relativement claire, Dallas Movie dynamite tout. Son caractère très expérimental et aléatoire, produit par un montage brouillon, éclaté, voire psychédélique, et par la constante mise en abîme de la mise en scène, le classe, ce film parmi les films OVNI, un label à double tranchant. Ici, plateau de tournage et paysages montagneux occupent le champ et rythment l'ensemble dans un jeu d'alternance abrupte. Malgré l'expression d'un langage cinématographique original et l'indéniable qualité esthétique de la photographie de Laszlo Kovacs, The Last Movie reste pourtant et délibérément imparfait puisqu'il recherche avant tout l'effet de chaos, de désordre, un geste d'insoumission radicale. Think Oh yeah, sure, I'm fine. I'm just getting glare. Well, they are complaining there is no liquor. Oh yeah, it's in the cabinet there. I'll be in a minute, okay, honey? I'll be right in there, okay? I'll see you in there now. Mais enfin, chez Universal, c'est la douche froide. Et après tout, ils n'avaient déjà rien compris au succès provoqué par Easy Rider, alors pourquoi pas celui-là? Donc, histoire de tâter le terrain, le studio organise en toute discrétion quelques projections tests sur des campus, là où The Last Movie est susceptible de rencontrer son public. Mais les réactions sont pires encore. À l'université d'Iowa, le film provoque une salve d'injures des étudiants. Hopper doit même s'enfuir, le nez en sang. En mai 71, le film est tout de même présenté en avant-première à la Mostra de Venise, où, surprise, mais oui, il reçoit le prix de la critique. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Les communistes avaient fermé le festival du film de Venise en 1971. Mais on m'a décerné le prix littéraire, le Sidalc, qui est en fait un prix français, la plus ancienne récompense du cinéma. Mais quand je suis rentré, Wasserman d'Universal Pictures m'a dit qu'il n'allait pas distribuer le film si je ne le remontais pas. J'ai refusé en répondant que j'avais remporté le festival de Venise, alors il m'a dit que j'avais dû acheter le prix, il a appelé New York, et on lui a précisé que ce n'était pas le cas, alors il m'a dit « un bon artiste est un artiste mort ». Quatre mois plus tard, le film sort enfin en salle au RKO de New York, le même cinéma dans lequel Easy Rider avait amorcé son incroyable succès. Durant les premiers jours, l'effet de curiosité fonctionne à plein et l'on fait la queue même pour découvrir la nouvelle rébellion de Hopper. Avant la désillusion. Dans la presse, les critiques, sans exception notable, sont assassines. Pour ne citer que, le Time parle d'un film dénué de toute forme et dépourvu d'art. Tandis que le New Yorker estime qu'il faudrait s'appeler Judas pour encourager les spectateurs à aller le voir. Le bouche à l'oreille, lui aussi, est catastrophique. Quelques jours plus tard, Hopper est invité sur la chaîne NBC dans le Merv Griffin Show. Les traits tirés sous son bandana, sa moustache et ses cheveux longs, le messie a quelque peu perdu de son aura. Bon, camé passe encore, psychotique à la rigueur, mais l'Amérique de Nixon ne lui pardonne pas l'échec. Et l'on glousse à chacune de ses interventions. Je veux dire, vous êtes un grand réalisateur maintenant. J'ai été un grand réalisateur. Vous avez touché le fond ? Non, j'ai atteint des sommets. Je pense que nous sommes tous ici pour vendre quelque chose, n'est-ce pas? On a tous des problèmes sur ce plateau, vous voyez ce que je veux dire? On est tous emprisonnés ou quelque chose dans le genre. On est vendu, vous voyez, quelle que soit la direction qu'on prend. Je veux dire, je suis ici, pas en train de faire mon film, mais en train d'essayer de le vendre. On essaye tous de faire ça, c'est un peu pathétique. Mais bon, là, je m'écarte du sujet. Résultat, 2 semaines après sa sortie, The Last Movie est retiré de l'affiche. Dennis Hopper, on l'imagine, est fou furieux. Il pense que le studio a bazardé son film, il évoque son prix à Venise tout de même, et finit par penser tout haut qu'il a surestimé son public aussi avide de divertissement que l'Amérique tout entière et pas avide de sens. Au bout du compte, The Last Movie n'en rapporte que 55 000 dollars et disparaît presque totalement sans que personne ne s'en émeuve. Le fiasco est tel que Hopper est mis au banc d'Hollywood. 2 ans après avoir été porté au nu par le succès d'Easy Rider, l'enfant prodige est devenu paria. Son producteur, Ned Tannen, prend également un coup dur jusqu'à conclure qu'une époque touche à sa fin. Oui, fini la liberté. La fin des années 70 aurait-elle commencé dès le début des années 70 ? Pendant 10 ans, Hopper ne touchera plus une caméra et retournera vivre avec ses démons. Il picole, se calme et tourne pour des salaires dérisoires dans un nombre incalculable de navets. Pour la plupart, des rôles de salopards ou de psychopathes, parfois pour une journée. Une longue rivière de merde est son expression favorite pour évoquer cette époque, tandis que dans son sillage, les Raffleson, Coppola, Scorsese, Palma et compagnie raflent la bise. Coppola qui d'ailleurs lui donne en 1978 un rôle de photojournaliste dans Apocalypse Now, un film au tournage une nouvelle fois épique que Hopper traverse dans un état second et dans un improbable accoutrement. Il faudra attendre l'année 80 pour que le petit miracle se produise. Hopper signe enfin son 3e film intitulé Out of the Blue, une superbe histoire de famille à la dérive qui enterre les illusions hippies et la vieille Amérique d'un méchant coup de lame. 1980, c'est à la même année que sort La Porte du Paradis de Michael Cimino, autre film maudit qui sonne à l'oglas du nouvel Hollywood, cet âge d'or du cinéma américain des années 70 qui s'était ouvert sur le triomphe précisément d'Easy Rider. Entre-temps, il y avait eu The Last Movie, film a posteriori prophétique, témoin testamentaire d'une époque où Hollywood pouvait enfanter des films aussi dingues. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done, Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. La la la to me and Bobby. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, The Last Movie de Dennis Hopper. Notre invitée Anne-Marie Bidot, bonjour. Bonjour. Alors vous allez vous mettre juste en face du micro, oui. Voilà. Vous êtes historienne, spécialiste... Historienne du cinéma. Mais j'arrive. Ah, d'accord, pardon. Historienne, spécialiste du cinéma. D'accord. Américain, madame, voyez, j'ai encore plus précis que vous. Et auteur du livre intitulé Hollywood ou le rêve américain, publié chez Armand Collin en 2012. Vous me faites rire, madame. Bien, quand vous avez vu ce film The Last Movie pour la première fois, qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, je dois dire que j'étais scotchée au fond de mon siège. Mais de quelle façon? J'avais shocking. Trouvé... Oui, oui, j'ai trouvé que ça avait ni queue ni tête, que c'était complètement incohérent et que c'était, comme vous l'avez bien rappelé, c'était, je l'ai vu à quelques temps après sa première sortie en 71, c'était un colossal désastre qui était représentatif en même temps de toutes les ambitions ratées de la contre-culture. Mmh. C'est un peu le versant noir de la contre-culture. Mais ce qui est intéressant, je trouve, derrière ce film, c'est de voir, et derrière la mégalomanie de Hopper, ce qu'il a essayé de faire quand même, dans les brumes de l'alcool et de la drogue, il a essayé de faire un film qui fait référence à une, qui est une, il le disait lui-même, c'était pour lui un film de libération, qui voulait rompre avec la tradition hollywoodienne et rompre le déconditionnement. Rompre le conditionnement des spectateurs face à l'illusion de réalité du cinéma. C'était pas déjà fait ça avec Easy Rider, en partie? Moins quand même. Moins. Aujourd'hui, et a posteriori, c'est facile de dire ça, mais diriez-vous que l'échec de The Last Movie était prévisible? Oui, parce que c'était un film qui était mal parti. Il était parti sur un malentendu. C'est-à-dire que tous les studios, après le succès d'Easy Rider, ont essayé de surfer sur la vague de ces jeunes, oui, de ces petits films. Oui, mais sans conviction apparemment. Voilà, uniquement pour des raisons de rentabilité, mais parce qu'ils étaient en pleine crise économique. Le seul public qui leur restait, c'était les jeunes. Donc, ils voulaient absolument faire des films qui plairaient aux jeunes, mais sans conviction. Oui. Et ce film est mal parti parce qu'il est parti dans tous les sens et de toute façon, Dennis Hopper était devenu complètement incontrôlable. Et ingérable, tout à fait. Ingérable, oui. À cause de quoi? À cause vraiment du succès de Easy Rider qui lui est monté à la tête? Parce qu'on a l'impression que c'est ça quand même. Hein. Il était devenu très mégalo. En même temps, il consommait beaucoup de drogue et ça s'est accentué dans les années après. Dans les années 80, mais il raconte que très souvent, il consommait par jour plus de 2 litres de rhum, 28 bières et 3 grammes de coke pour lui permettre de redescendre un peu et de pouvoir reboire. Donc il est vraiment miraculé. Oui. Et il n'avait plus aucune conscience de ce qu'il faisait. Bon, on va entrer un peu dans le détail, notamment le fait que Samuel Fuller joue le rôle d'un réalisateur. Donc, son rôle, qu'est-ce que ça dit, ça? Qui est Samuel Fuller? On le connaît, mais qu'est-ce qu'il représente dans cette culture-là, à ce moment-là? Alors là, ce qui est très intéressant dans les cinéastes de cette génération, et notamment Dennis Hopper, c'est le fait que, en rupture avec Hollywood, il se recommande de modèles européens. Et voilà. Et notamment de Godard. Et j'allais le dire, la nouvelle vague, je l'ai dit dans le récit. La nouvelle vague, bien sûr. Mmh. Et il se trouve que Godard était considéré à l'époque par les étudiants et par les jeunes cinéastes comme une idole. Sur les campus, quand il a fait une tournée au printemps 68, les gens criaient « Vive à Godard !» quand il présentait La Chinoise. Et il se trouve que Sam Fuller apparaît dans Pierrot le Fou avec le même comportement. C'est un metteur en scène américain qui vient faire un film, comme qui a ses lunettes. Fritz Lang dans Le Mépris, voilà. Absolument, oui. Donc il est cité comme une référence européenne et parce que en même temps, Fuller était beaucoup apprécié par la nouvelle vague. C'était un cinéaste indépendant, plutôt, disons, pas marginal, mais qui prenait ses distances avec la tradition hollywoodienne. Donc il était à cheval sur ces deux cultures. D'ailleurs, en parlant de modèle européen, la première personne à qui Hopper présente Easy Rider, c'est l'Italien Antonioni. Oui. Bien, je suppose que je vous apprends rien, mais je le dis aux auditeurs. Oui, mais c'est très bien. Voilà. Alors, en parlant d'Easy Rider, j'aimerais qu'on écoute ensemble une archive qui date de 2008. Dennis Hopper est mort en 2010. Hein. Oui. Voilà. Donc, 2 ans avant sa mort, il est au micro de France Culture. Il parle d'Easy Rider. Easy Rider, oui, c'est un cliché. Mais tout de même, je tiens à ce que dit le film. Parce que ce message d'Easy Rider est devenu de plus en plus actuel ces derniers temps. Cette idée de mettre tout cet argent dans le réservoir couleur du drapeau américain, puis ensuite voir ce réservoir exploser sur le bas-côté, avec tout cet argent à l'intérieur, ça c'est très profond. Aujourd'hui, ça résonne tout particulièrement. En tout cas, Easy Rider marque une vraie rupture qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure entre l'âge classique hollywoodien et ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, plus ou moins calqué sur la nouvelle vague européenne et française en particulier. Est-ce que Hollywood a connu comme ça plusieurs cycles ? Là, c'est une rupture vraiment extrêmement importante. Il y a eu là, évidemment, la grande rupture à la fin des années 20 avec le passage au parlant, oui, qui a complètement modifié l'esthétique et puis les conditions, évidemment, économiques. Il y a eu aussi, dans les années 50, l'arrivée de la télévision, qui a complètement modifié les ambitions et que les studios n'ont pas vu venir suffisamment vite. Et les années 68-70, c'est une autre rupture qui est peut-être plus fondamentale, parce que là, les studios sont complètement en crise. Tout ce qu'ils font, ce sont des échecs commerciaux retentissants. Ils sont rachetés, les studios traditionnels sont rachetés par des conglomérats qui s'intéressent surtout à l'argent. Et puis, il y a surtout une perte du public traditionnel qui avait commencé avec la télévision, l'influence de la télévision. On parlait de public de masse. Mmh. Mais à la fin des années 60 et tout au long des années 60, le public de masse reste devant la télé et il ne reste plus que les jeunes, qui représentent 70% des jeunes d'entre 15 et 28 ans. Ils représentent 70% du public. Et là, ce que proposent les studios hollywoodiens, c'est complètement décalé, genre Cléopâtre, ouais, le Cléopâtre de Mankiewicz, qui était pourtant un grand film, mais qui n'intéresse pas du tout les jeunes. Eux veulent des films qui parlent d'eux-mêmes et qui sont contestataires par rapport à leur idéologie, à leur mode de vie, et ils ne se reconnaissent pas du tout dans ce que Hollywood leur propose. Dennis Hopper apparaît comme un chef de file de ce cinéma qui parle aux jeunes et qui parle des jeunes et de leur vie. Oui, enfin, peut-être pas seulement le chef de file, mais du noyau. Il y a Peter Fonda, il y a Jack Nicholson, ouais, et puis Dennis Hopper. Il y a eu un petit peu avant Roger Corman, qui avait fait The Trip, et qui a permis au trio de se rencontrer, et qui parle de nouvelles expériences, qui étaient évidemment complètement exclues du cinéma hollywoodien classique, notamment l'expérience de la drogue. Oui, bien sûr. Qui est au cœur de Easy Rider, bien sûr. Est-ce que ça a balayé les cinéastes de ce qu'on pourrait appeler le Hollywood classique, ou quand même ça n'a pas été le dégagisme absolu ? Non, ça n'a pas été le dégagisme, mais il y a eu énormément de porosité entre l'Europe et les États-Unis à cette époque. Par exemple, Arthur Penn, qui avait fait des films antérieurs dans le cadre hollywoodien et qui a réalisé Bonnie and Clyde en 67, a expliqué comment le sujet avait été proposé par les scénaristes d'abord à Godard, puis à Truffaut, et c'est finalement Arthur Penn qui l'a fait, mais pour lui, dans l'esprit de la nouvelle vague, avec une structure assez lâche, avec des ruptures de ton, une musique complètement décalée par rapport à l'histoire, et puis avec une fin extrêmement violente qui était au-delà des normes acceptables à Hollywood. Anne-Marie Bideau, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Gorillaz, Fire Coming Out of the Monkey's Head. Thank you. found their way into the higher reaches of the mountain, and it was there that they found the caves of unimaginable sincerity and beauty. By chance, they stumbled upon the place where all good souls come to rest. The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain, its rich scene, fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town, the happy folk slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the strange folk climbed deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of the monkey. For the first time, the happy folk felt fearful, for they knew that soon the monkey would stir from its deep sleep. Then there came a sound, distant first, that grew into gastrophony, so immense that it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then, nothing. Oh, a little town in the USA, the time has come to see. There's nothing you believe you want. But where were you when it all came down on me? Did you call me now? Anne-Marie Bidot, nous parlons donc de ce film de Dennis Hopper, The Last Movie, qui veut dire le dernier film. Oui, prémonitoire. Oui, c'est prémonitoire. Comment interprétez-vous la phrase que j'ai citée dans le récit, la phrase de Ned Tanen, producteur? La fin des années 70 a commencé dès le début des années 70. Il est vrai qu'on parle toujours du cinéma des années 60, mais en fait, il y a un léger décalage, parce que la contre-culture, au-delà de cet aspect excessif que représenté par Dennis Hopper, s'est terminée en fait, autour de 72-73. Et c'est dans cette période charnière, entre 68 et 74, que les films vraiment nouveaux, qu'on pourrait considérer comme les indépendants novateurs, sont apparus. À partir de 74, finalement, tout est petit à petit rentré dans l'ordre. La guerre du Vietnam s'est terminée un an après. Et puis, la contre-culture a été discréditée après des séquences et des événements violents comme l'assassinat de Sharon Tate. Tate, oui. Et puis, petit à petit, Hollywood a repris son attitude habituelle de grosse production, de retour aux films de divertissement, parce qu'en fait, ces films étaient plutôt déprimants. Mmh. Et les gens avaient besoin de nouveau de divertissement. Oui. Et aujourd'hui, où on est le cinéma américain, parce que divertissement, film à gros spectacle, et parmi eux, des excellents films, mais une quête de sens aussi, je pense, à Sean Penn, par exemple, très très ancré dans la réalité de ce monde. Il y a ça aussi dans le cinéma américain. Est-ce qu'il connaît un nouveau cycle aujourd'hui par rapport à son histoire cyclique Le cycle, c'est plutôt un développement des blockbusters pour des raisons économiques, parce que c'est ce qui rapporte le plus, et notamment pour le public étranger, qui devient une des sources d'argent les plus importantes pour Hollywood. Notamment, et ça a commencé avec le public chinois qui maintenant se rattrape en faisant ses propres productions. Mais il n'y a pas l'équivalent de films indépendants ou de mouvements de films indépendants aussi caractéristiques, aussi marqués par une cohérence thématique, stylistique, comme dans ce tournant des années 60-70. C'est plutôt quelques films indépendants séparés, mais pas suffisamment nombreux et pas suffisamment novateurs pour qu'on puisse considérer que c'est un vrai mouvement. Bien, alors après le fiasco de The Last Movie, Hopper va traverser ce qu'on appelle une traversée du désert, il ne se cache pas d'ailleurs, comme dans cette archive que nous allons entendre ensemble, qui date de 1976. Hopper et son ami l'acteur Dean Stockwell sont interrogés sur la croisette, oui, nous sommes au Festival de Cannes. Mon prochain film, j'ai pas de projet. Quelqu'un en a pour moi. Si j'aime le film, je le ferai. If the offer's right, then the part is nice. And I have a beautiful leading position. Je suis dans la même situation. Vraiment la même situation. In other words, we have no en d'autres work. Termes, on n'a pas de boulot. We're out of work. On n'a vraiment pas de boulot. Oh my God, I'm going to weep. Je vais pleurer. Ne pleure pas. Bravo. But tell me, even what of, without of work, I même sans travail, vous êtes vraiment prêt à tout what accepter? What are the parts that you will systematically refuse, no matter? Quels sont les, même we sans travail, nous ne refusons rien. On accepte tout. Vraiment tout. N'importe quoi. Yeah. Yeah. Yeah. Pourvu que je puisse un peu changer mon rôle. As long as we can improvise. Ouais, improviser un peu, quoi. Salary. Le pognon. On a vraiment besoin d'argent. Tennis Hopper au chômage, ça donne ça. Quelle était la suite de sa carrière après ce fiasco? Alors, il a refait un film en 83, très intéressant, qui s'appelle Colors, qui est sur des gangs de jeunes à Los Angeles. Et puis ensuite, il a continué à jouer dans un certain nombre de films. Il a eu une carrière très, très chaotique, mais finalement, le cinéma l'intéressait beaucoup moins. Et il s'est consacré plus à la photo, qui était une très vieille passion. Il en avait parlé à James Dean, d'ailleurs, pendant le tournage de La Fureur de Vivre. Et il a été encouragé par James Dean, qui trouvait ses photos très, très belles. Donc, il a continué à faire des photos en noir et blanc, qui étaient publiées par Vogue, par Art Forum, qui ont eu une très belle, il a eu une belle notoriété, pas mal d'expositions de ses photos. Et puis, en même temps, il était passionné de peinture. Il a suivi des cours de peinture quand il était enfant. Et il a petit à petit fait de la peinture et même de la sculpture avec des matériaux modernes comme d'une espèce de mousse de polyester et des tableaux apparemment très intéressants qui ont été exposés. Et en même temps, il a commencé très tôt une collection de peintures modernes américaines. Notamment, il a commencé avec le pop art à une époque où les gens ne collectionnaient pas. Et on considère que sa collection était une des plus intéressantes aux États-Unis. Et ce film dont vous me parlez, il a été plutôt bien accueilli. Colors, oui, c'était bien. Ouais. C'était un cinéma beaucoup plus classique. Ouais. Donc il n'était pas tricard, si j'ose dire. Non. Mais ce que je trouve intéressant de The Last Movie, c'est que ses ambitions ne sont pas à la hauteur de ses possibilités, surtout avec ce qu'il consommait. Mais on trouve derrière ce film le désir de rompre la fascination spectaculaire du public. Et il y a toute une série de procédés qui étaient empruntés plus ou moins à la Nouvelle Vague pour déconcerter le public. Évidemment, ça ne marchait pas forcément. Par exemple, le générique arrive une demi-heure après le début du film. Donc, les gens sursautent. Et puis, les 10 premières minutes, on a l'impression d'être dans un western classique avec la typologie habituelle, le shérif, l'aventurier, la prostituée, et puis avec un très beau paysage. Et d'un seul coup, il y a un travelling arrière et on voit que ce magnifique paysage, en fait, c'est une toile peinte. Donc, il veut rompre la fascination et on voit que les vraies montagnes sont derrière. Et à la fin aussi, il voulait que les gens prennent conscience du fait que le film, c'était aussi un matériau. Et quand on voit The End à la fin, là, le film continue, c'est de la pellicule, mais c'est noir, opaque. Les gens voient que finalement, ça n'est que de l'illusion. D'accord. Et là où ils attendent le générique de fin, interminable, les gens se lèvent, parce qu'on s'en fiche des noms. Donc il a mis du noir, comme ça. Oui, il a mis du noir, mais pour qu'on voit que, en fait, c'est pas le réel. Et tout le film est construit sur une inversion de réelle représentation. La première partie, c'est des... Je vais peut-être trop loin. C'est la... Mais rapidement, en quelques secondes. C'est le tournage avec des vraies caméras d'une fausse réalité, d'une fausse histoire. Et la deuxième partie, c'est pas des vraies caméras, mais c'est les Indiens qui jouent pour de vrai et qui tuent tout le monde. Bien. Excusez-moi de vous bousculer. Vous avez raison. Anna Ribido. En tout cas, merci infiniment pour tous vos éclairages. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui de Last Movie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.